Leçon 4. Activité 2 et 3, page 60. Piste 46. Tu as mal au ventre, donc prends tes médicaments. Oui, docteur. Ne bois pas de coca. Mais je peux manger de la viande. Bien sûr, prends des légumes verts aussi. Et du jus d'orange glacé. Pour le moment, non.